ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فنواصل دراستنا وقراءتنا في كتاب تجريد التوحيد المفيد سيدنا الله المولى أن ينفعنا بهذا العلم وأن يرزقنا الإخلاص في القلب والعمل كما نسأله جل وعلا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا دونك on va commencer inchallah sans plus attendre sur la continuité de notre étude du livre de cette immense œuvre concernant le domaine de l'unicité du tawhid kitab tajrid tawhid al-mufid souvent traduit par le tawhid bénéfique à l'état pur. En demandant à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous accorde la bonne compréhension, la bonne mise en application et qui nous accorde la sincérité à travers nos paroles et nos actions. Subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وصلى الله على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فهذا كتاب جم الفوائد بديع الفرائض ينتفع به من أراد الله ودار الآخرة سميته تجريد التوحيد المفيد والله أسأل العون على العمل به بمنه وكرمه اعلم أن الله سبحانه هو رب كل شيء ومالكه وإلهه فالرب مصدر رب يرب ربا فهو رب فمعنى قوله تعالى رب العالمين رب العالمين فإن الرب سبحانه وتعالى هو الخالق الموجد لعباده القائم بتربيتهم وإصلاحهم المتكفل بصلاحهم من خلق ورزق وإصلاح دين ودنيا. Donc on est revenu sur l'œuvre. Ça c'est la parole de l'auteur. Donc je veux toujours qu'on fasse la distinction entre le matn, la parole de l'auteur qui est l'œuvre à la base qu'on essaie de comprendre et le commentaire, les explications qu'ont donné les savants concernant cette œuvre immense. Donc comme vous avez pu voir, sur l'explication, on essaie d'être bref, concis, pour qu'on puisse avancer sur l'écrit et l'œuvre, pour qu'on puisse lire cette œuvre dans un temps raisonnable. Alors, comme on avait stipulé dans la dernière assise, dans les premières assises, on avait fait la présentation du livre et de l'auteur, avec une brève biographie, pour qu'on se rende compte de l'importance de cette œuvre et de cet écrit, et que l'auteur de l'écrit est un spécialiste dans les sciences religieuses. C'est-à-dire que ce qu'il va rédiger, ce qu'il va dire dans son livre, c'est écrit de la plume d'un spécialiste, d'une personne qui maîtrise le domaine. Et comme on avait dit, beaucoup de paroles en réalité que va mentionner l'auteur, en réalité ce sont des paroles de grands imams de la nation qu'Ibn Qayyim rahmatullahi alayhi, et en grande majorité ce sont des paroles d'Ibn Qayyim rahmatullahi alayhi. Et de ce fait, on a vu que dès le début de son œuvre, de son écrit, on voit que la faïda, l'enseignement déjà, pour le lecteur de manière générale et pour le talib al-ilm, pour l'étudiant de manière particulière, est grand. Le bénéfice est grand. Donc, on avait explicité d'abord dans les premières assises le sens de al-basmala d'une manière brève et concise. Ensuite, le fait qu'il fit les louanges sur le prophète, sur Allah, pardon. Ensuite, les prières et les salutations sur le prophète, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Ensuite, après qu'il ait fait les salutations sur le prophète, sur les membres de la famille du prophète et sur les compagnons, ensuite il commence l'écrit en disant « Voici un livre qui renferme de grands enseignements, des enseignements bénéfiques et profitables. Et celui qui profitera de cet écrit, c'est celui qui recherche Allah Azza wa Jal et la demeure de l'au-delà. Donc on voit dès le départ, comme on l'a stipulé hier dans la dernière assise, dès le début de l'écrit, l'auteur fait allusion ici et un rappel très important concernant al-niyya, la bonne intention. Et donc, il fait un rappel que celui qui veut profiter et bénéficier des enseignements bénéfiques et profitables qu'il y a dans cette œuvre et cet écrit, alors il faut faire attention, il faut revenir, réviser son intention. Il fait un rappel son intention. Que celui, et là on comprend, et on apprend que celui dans sa recherche et dans sa quête de savoir, celui qui est sincère, qui recherche vraiment la face de son Créateur et l'agrément, la satisfaction de son Créateur, subhanahu wa ta'ala, exalté et glorifié soit-il, et vraiment ce que lui son but c'est la demeure de l'au-delà, alors il va profiter de la science bénéfique. Et l'auteur, après avoir fait ce rappel, regardez ce qu'il dit. Là, il dit qu'il l'a appelé, il l'a nommé Tajrid al-Tawhid al-Mufid. Et donc, hier, on avait expliqué le titre. Tajrid al-Tawhid al-Mufid. On va avancer, Inch'Allah. Ensuite, il invoqua Allah. Après avoir mentionné le titre et l'intitulé de son œuvre, il dit, et je demande à Allah l'aide, l'insistance pour la mise en application, la pratique de la bonne œuvre, bimannihi wa karmi. Regardez, là c'est très pertinent. L'auteur invoque Allah, subhanahu wa ta'ala, qui lui accorde l'aide pour pouvoir mettre en pratique cela. C'est ce qu'on appelle al-amel, bil-ilm. Et là, les savants qui ont commenté l'écrit, on dit que là, il y a une grande faïda. Puisque l'auteur, regardez, c'est pour ça que moi j'ai bien insisté hier dans la dernière assise, et j'insiste encore, c'est l'écrit d'un spécialiste. Et lui, étant spécialiste du domaine, il sait que la bonne pratique de la religion, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'octroie à qui il veut. D'avoir une bonne compréhension de la religion, et une bonne mise en application et pratique de cette religion, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui accorde l'assistance et l'aide pour cela, ou le tawfiq, la réussite en cela. Ça veut dire que si on a l'ilm, on a un savoir et on a une connaissance, on ne peut pas se reposer seulement sur cette science en pensant qu'on a le savoir, on a la connaissance, donc forcément on a la mise en application. Puisque beaucoup ont le savoir et ce savoir, ils ne le mettent pas en application. Et d'ailleurs, dans Surat al-Fatiha, on demande justement constamment à Allah Azza wa Jal qu'il nous épargne de faire partie, qu'il nous protège de faire partie de ceux qui ont le savoir, mais qui n'ont pas mis en application, et ceux qui ont œuvré sans savoir, sans connaissance. Donc ça veut dire que l'auteur nous enseigne dès le départ, si on veut mettre en application la connaissance, et on veut avoir une bonne pratique de la religion, il faut demander l'assistance et l'aide auprès d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Et on avait dit que celui qui a enseigné cela, en réalité, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on avait fait allusion, comme les savants font allusion, au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Regardez comment c'est immense. C'est pour ça que parfois, le fait d'apprendre, de maîtriser les usul, les bases, et les choses qu'on appelle élémentaires, parfois, c'est mieux que d'aller dans de grandes questions, essayer de maîtriser de grandes et hautes questions, et à la fin, les choses élémentaires de la religion, on ne les maîtrise pas. Et on a une mauvaise compréhension. Et souvent, nous, Shaitan, il essaye de nous faire passer à ce qui est plus compliqué. Et les choses élémentaires, on les néglige. Regardez l'éducation du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Un jour, il prie un de ses compagnons dans leur hadith célèbre, et lui dit, ne délaisse jamais à la fin de chaque prière de demander à Allah Azza wa Jal, Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Ô Seigneur, aide-moi à t'évoquer, à te remercier et à bien t'adorer. Traduction littérale et relative. Donc ici, le prophète Sam, il a enseigné aux compagnons que si on veut bien évoquer Allah, faire des dhikr, si on veut remercier Allah Azza wa Jalla, si on veut bien l'adorer, le prophète il a enseigné aux compagnons, il faut demander à Allah Azza qu'il nous aide. Allahumma a'inni, au Seigneur, ça veut dire littéralement en français, au Seigneur, aide-moi à t'évoquer, à te remercier et à t'adorer littéralement. Donc le prophète en fait, a enseigné qu'il faut demander à Allah Azza wa Jalla de nous aider. Et pourquoi? Parce que c'est ça le but. Le but, c'est pas d'amasser, de rassembler des connaissances, comme on l'a dit. C'est pas kasrat al-riwayat, mais les salafs ils disaient c'est kasrat al-khashiyah. Le but, c'est le khashiyah, c'est la crainte d'Allah. C'est d'atteindre la peur, la crainte d'Allah, Azza wa Jalla. De sorte que nos œuvres soient pieuses et vertueuses, et qu'on œuvre avec la connaissance qu'on a. C'est pour ça, ça c'est le fléau, attention. Moi, je fais ce rappel-là, pourquoi? Parce que je le fais déjà pour moi-même. Pour moi-même, et on se le fait, pourquoi? Parce qu'en réalité, c'est le fléau de l'étudiant. L'étudiant, il est en quête, il veut apprendre. Il veut apprendre. Il veut atteindre une connaissance. Il a un but, donc il veut atteindre des horizons dans la connaissance. Il veut s'approfondir. Mais souvent, notre négligence et notre déficience, elle est dans la mise en application. Et c'est pour ça que vous pouvez trouver des gens, il ne faut pas s'étonner. Il y a des gens qui ont un savoir, ils ont un rêve, mais très peu de mise en application. Ça, c'est la différence avec les ulama al-Rabbaniyin. Les ulama al-Rabbaniyin, ils sont encore plus pratiquants qu'on puisse le comprendre. Lorsque je dis pratiquant, c'est-à-dire la mise en application et la pratique. Au niveau du comportement, au niveau du savoir se tenir, au niveau le fait de pratiquer les prières surrogatoires, le fait de faire le bien, le fait de s'empresser à faire ce bien-là, le lama, c'est un exemple et un modèle pour les élèves. Sauf que beaucoup de disciples et élèves ont pris que l'aspect ilmi, science et savoir du chiffre, en omettant de prendre tout ce qu'on appelle as-suluk. As-suluk, ou al-ibada, ou al-adab, ou al-khuluq, ils ont omis beaucoup ce point-là. Or, la méthodologie dans l'apprentissage du ilm à l'époque de nos vieux prédécesseurs, c'était l'inverse. C'est d'abord, ils allaient s'éduquer et ils allaient apprendre le comportement. Et d'ailleurs, les imams, min a'immati salaf, étaient connus pour leur adab. Jusqu'à ce qu'il ait dit à l'époque des salafs qu'avant de prendre la science chez quelqu'un, il regardait son adab. Il fallait qu'il soit irréprochable dans le adab. Lorsqu'on dit irréprochable, chacun a ses défauts. Personne la perfection elle est Allah. Mais Talab al-Ilm, un cheikh, il a un comportement qui convient à son rang. Et ça c'est très important. Alors les savants, et ce rappel-là, Cheikh Abdel Zakna Abed dans son commentaire justement, il fait le rappel de cela et il cite justement les hadiths qu'on vient de citer du prophète. Allahumma a'inni 'ala dhikrika wa shukrika wa husni 'ibadatik. Il ramène cette phrase. Et Cheikh ensuite dans son commentaire de ce passage, il dit c'est pour cela qu'il faut pas négliger non plus l'ilm et il faut pas négliger l'amel. On a besoin d'ilm parce que si on n'a pas l'ilm, on est dans les ténèbres. Mais ce ilm là, il faut le mettre en application. Parce que si on ne met pas ce ilm en application, alors on est en train d'amasser des arguments contre nous. En fait, c'est ça. Plus on prend du ilm qu'on ne met pas en application, plus on est en train, en réalité, de rassembler des arguments contre nous. Parce que celui qui sait n'est pas comme celui qui ne sait pas. Donc celui qui va chercher le savoir, il faut qu'il sache que ce savoir, il faut le mettre en application. Si par exemple, il commence à apprendre un hadith al-akhlaq, les hadiths sur le adab, ben il faut les mettre en application, les hadiths sur le comportement. C'est pas juste j'apprends les hadiths sur le comportement. Par exemple, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit al-muslim man salim al-muslimun min lisanihi wa yadihi. Le musulman, c'est celui dont les autres, les musulmans, sont à l'abri de sa langue et de sa main. On l'a mémorisé, on l'a appris avec une bonne compréhension. Beaucoup même, dans la bataille, ils l'apprennent même avec la chaîne de transmission. Mais le but ensuite, eh ben, c'est de s'efforcer à être un musulman dont les autres sont à l'abri de sa langue et de sa main. C'est-à-dire que si j'ai un litige avec toi, ni je crains ta main, ni je crains ta langue. Je sais que tu ne me feras pas de mal avec ta langue, et je sais aussi que je ne crains pas que ça en vienne aux mains. Hein, dans le muslim. Ça, c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit au sujet du bon musulman. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, dit « Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qui dise du bien, ou bien qu'il se taise. » « Man kana yu'minu billahi wa yawmil akhir, falyaqul khayran aw liyasmut. » Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qui dise du bien, ou bien qu'il se taise. Si on apprend ce hadith-là, et on le mémorise, et on ne le met pas en pratique, qu'est-ce qui se passe? Ce savoir-là qu'on a, il est contre nous. C'est un argument contre nous. Donc si on a appris le hadith, c'est pour le mettre en application. Dans un hadith, souvent jugé morsel, qu'on retrouve, c'est un hadith-là qu'on retrouve dans Arba'in Nawawi. Min husni islam al-mar' tarku ma la yardi, par exemple, fait partie du bel islam de la personne, de l'individu, de délaisser ce qui ne le regarde pas. Si on voit qu'on est une personne, on rentre dans tout ce qui ne nous regarde pas. Par contre, on connaît le hadith. Moi, je donne des exemples de non-application du savoir et du ilm. Et c'est pour cela que, ici, les mashaykh, ils font le rappel que il ne faut pas se dire « Non, je ne vais pas chercher le savoir. » Et je reste là. Non, il faut apprendre le savoir bénéfique. Parce que ça, c'est le miftah pour la bonne compréhension de la religion. Bon, mais la science bénéfique, c'est quoi? C'est connaître Allah, connaître son messager, connaître la religion. Et il n'y a pas de concurrence. Il n'y a pas de... On n'est pas là pour se concurrencer, c'est qui va atteindre le plus haut savoir. Mais la concurrence, elle est où? Dans l'œuvre. C'est là. Linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Pour vous éprouver qui est-ce d'entre vous qui œuvrera le mieux, une traduction littérale du verset, qui est-ce qui aura les meilleures œuvres. Donc notre concurrence, elle est là, à se concurrencer, à faire du bien. Lorsqu'il y a des œuvres caritatives, à se concurrencer celui qui peut donner, à donner. Celui qui ne peut pas, il invoque pour les gens. À se concurrencer, eh ben, à faire ses prières à l'heure. Et à être bon, vertueux, pieux. Ce qui nous manque, nous, c'est la piété. Souvent, beaucoup de jeunes ont une certaine connaissance. Je reste relatif parce qu'en réalité, lorsque je dis connaissance, si vraiment on rentre dans les termes de connaissance, en réalité on est beaucoup ignorant. Mais on va dire certains ont une certaine connaissance. Mais ce qui nous manque ensuite, c'est la piété. Et là, le rappel, en réalité, regardez en une phrase. Regardez l'auteur, et c'est un imam qui maîtrise la science. On a dit l'auteur, il est mort. Très important de retenir toujours les dates. J'aime bien qu'on retienne les dates. Et moi, ça m'aide à les retenir à force qu'on les répète. 845, on avait dit. Donc, bien avant l'imam al-Mujaddid, Sahib Kitab Tawhid, qui lui, on avait dit, il est mort en 1206. Arsène, en 1206. Il est né en 1115. Donc, il vient bien après. Regardez l'imam. On a dit qu'il est né en Égypte. Il venait de cette province de Parnabek. Et il a grandi en Égypte, et mort en Égypte, c'était un savant égyptien. Da'i ila tawhidillahi azza wa jalla, qui est appelé justement au monothéisme. Et l'auteur, regardez, alors cette parole est très, très pertinente, il dit avant de commencer, et je demande à Allah qui m'aide dans la mise en application, dans la bonne pratique. Bimanihi wa karami. Ensuite il dit, i'lam anna Allah. Et là, il va commencer. Et on avait fait rappel sur le terme i'lam. I'lam, lorsqu'on entend i'lam, souvent en français, on le traduit par sache. En réalité, cette parole, elle est azim, comme on avait dit. Cette parole, elle est immense. Pourquoi? Parce que les savants, vous avez vu, on avait déjà dit, Sheikh al-Imam al-Muslah al-Mujaddid, Sahib al-Kitab al-Tawhid, souvent il évoque dans ses épîtres. I'lam rahimakallah. Souvent. Et les savants, regardez l'imam lui-même, Al-Maqrizi, le dit i'lam. Pourquoi? Parce que c'est pris du Coran. Allah dit fa'lam annahu la ilaha illallah. Il dit ça au prophète, c'est un message qu'il n'y a nul adoré véritable, si c'est dans la traduction relative du verset. Ensuite, Allah dit sache la ilaha illallah. Ensuite, demande le pardon pour tes fautes Et pour celles des croyants et des croyantes, Allah dit ça au prophète, fa'alam. Et dans d'autres versets, Allah ordonne, c'est un impératif, ordonne de savoir. Ça veut dire qu'on se doit de connaître. On se doit de savoir. Des fois, on ne se rend pas compte du mérite des savants, du bienfait de cette science. Le sujet, ben, être long, c'est des conférences. Mais juste pour se faire le rappel sur l'importance du ilm et sur l'importance de ceux qui portent ce ilm, el-ulama, juste méditer une chose. On se fait le rappel juste avec un point. Celui aujourd'hui qui a une certaine connaissance de sa religion et qui essaie d'avoir une bonne pratique de sa religion, qu'est-ce qu'il ressent? Il ressent une certaine sérénité, tranquillité. Parce que celui qui connaît, par exemple, lorsque vous pratiquez une chose et vous savez que cette chose, vous l'avez apprise, fil kitab et wa sunna, vous ressentez une certaine tranquillité. Vous savez que ce que vous faites, c'est dans le livre du Créateur et dans la sunna du prophète, ala fahmin sahih, d'une compréhension authentique. Vous avez vu la tranquillité que ça procure. Imaginez-vous la tranquillité du croyant lorsqu'il se réveille le matin, il sait les premières choses qu'il doit faire. Il remercie Allah de l'avoir, de lui avoir donné la vie, après lui avoir ôté. Premier doigt à confiance réveillant. Ensuite, il va faire ses ablutions. Il va faire Salat al-Fajr. Ensuite, il va vaquer à ses occupations. Vous avez vu la tranquillité? Tu sais que tu es dans le haqq. Tu es dans la vérité. Et qu'Allah t'a guidé dans cette vérité. Pourquoi je fais ce rappel? Rappelez-vous, il y a des années, des décennies en arrière, comment la majorité des jeunes n'étaient pas tranquilles. Beaucoup de questions, on avait beaucoup d'ambiguïté. Beaucoup d'ambiguïté. Ça nous avait tellement ces ambiguïtés-là, sont beaucoup de questions. Lorsque le jeune commence à pratiquer l'islam, il ne connaît pas. Donc il y a beaucoup de questions et les gens véhiculent beaucoup de choses. Et le jeune, il est entouré d'ignorants, de gens qui ne sont pas spécialistes de la religion. Vous avez vu, quand chacun d'entre vous a commencé, on a tous, quand vous avez commencé, il fallait trouver le chemin. Le chemin de la droiture, le chemin droit, le chemin de la sunna. La bonne compréhension de cette religion. Faire trouver. Certains n'ont jamais trouvé. Certains ont commencé avec la dérive, ou dans la dérive, et n'ont jamais trouvé le droit chemin. Aujourd'hui, une personne qui est sur le droit chemin, c'est apaisant. Il est tranquille. Il sait que dans l'aqida, il a l'aqida du musulman. Et lors des troubles, il sait la position qu'il faut adopter lors des troubles. Regardez, les gens de la masse sont perturbés. Un trouble, ça les emporte. Une fitna, elle les emporte. Ils sont constamment dans l'incompréhension. Ils ont besoin de rappel. Tandis que Sahib Sunna, celui qui comprend sa religion, qui a un certain savoir, vous avez vu cette tranquillité? Des fois, on oublie cette tranquillité. Nous, on n'apprend pas la bonne croyance pour aller juger les autres et taxer les autres d'hérétiques. C'est pas ça. Nous, on veut du bien pour les autres. Donc c'est ensuite pour renseigner aux autres la bonne compréhension de notre religion. Mais regardez, la bonne compréhension de la religion commence à procurer une tranquillité, un apaisement. C'est pour cela que même nous, à notre niveau, qui sommes heureux d'avoir les réponses à nos questions sur beaucoup de sujets, imaginez-vous le décalage qu'on a avec l'ulama, les grands théologiens musulmans. C'est pour cela que nous, sur des questions qui nous laissent perplexes, on a des incompréhensions sur des questions, c'est pour ça que souvent on ne comprend pas le calme des ulama. Et que pour eux, l'ulama, eux, sont calmes, sont posés, sont sur une sérénité, une tranquillité. Pourquoi? Parce qu'ils ont un savoir qui leur procure une sérénité, une tranquillité dans la pratique de leur religion. Ça fait partie, c'est l'un des fruits du ilm. D'être serein, d'avoir une tranquillité. Ça, c'est un bonheur. C'est un bonheur. Celui qui a ça en lui, déjà, c'est un bonheur immense. Et ça, c'est avec l'ilm, avec le savoir. C'est pour ça que la parole irlem, sache, elle est immense. Alors là, regardez, l'auteur commence. La Vesala, il va nous dire sache. Les savants, dans leur commentaire, ils disent sache, ça veut dire qu'il y a une portée d'attention sur ce qui va suivre. C'est-à-dire là, il faut rester concentré sur ce que va dire l'auteur. Il dit sache que Allah est le Seigneur de toutes choses, le souverain et l'adoré. Donc là, il nous apprend une chose immense. L'auteur va faire allusion à la seigneurie du Créateur, à la seigneurie d'Allah, et à ce qu'on appelle Al-Uluhiyya, et au fait qu'Allah Azzawajal est le digne d'adoration. Alors il dit, maintenant il fait allusion à la seigneurie. La seigneurie, c'est la traduction de ce qu'on appelle Ar-Rububiyya. Ar-Rububiyya. Pour ça, on dit Tawhid Ar-Rububiyya, l'unicité de la seigneurie. Farrab, c'est le radical, si vous voulez, c'est un masdar de Yarubba. Yarubbu Rabban. Ça, c'est le verbe. Rabba. Yarubbu Rabba au passé. Yarubbu au présent. Rabban, fahuwa Rabb. Fama'na qawlihi ta'ala. Donc, l'auteur, après, il nous dit l'étymologie du terme Rabb, Seigneur, très important, et il nous dit donc le sens de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran. Rabb al-alamin, qu'on récite dans la Sourate al-Fatiha, par exemple, Seigneur, qu'on traduit souvent par de l'univers, c'est dans le sens Rabbul alamin. Dans le sens. Dans le verset, Rabb al-alamin. Dans le sens, il dit Rabbul alamin. Fa'inna Rabb. Maintenant, il nous dit Seigneur de l'univers. Qui est le Seigneur? Il dit le Seigneur, dans le terme en arabe, ce qu'il faut comprendre, c'est Huwa al-Khaliq al-Mujid li'ibadi. Seigneur, dans le Coran, pour bien comprendre le terme Rabb, c'est le créateur, celui qui a donné existence à ses créatures. C'est le créateur, celui qui a donné existence à ses créatures. Écoutez bien ce que va dire l'auteur. Il va nous résumer d'une manière extraordinaire le terme Rabb, qui est très important. Puisque comme on l'a relaté, on avait terminé hier notre assise, regardez dans le Coran, souvent lorsqu'il y a une invocation, c'est le terme Rabb qui est utilisé. Rabbi, ô mon Seigneur, et tu invoques Allah. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban-nar. Rabbana la tuzigh qulubana. Vous avez vu souvent les invocations, ça commence ô Seigneur. Rabb, notre Seigneur, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le Seigneur de l'univers. L'auteur donc il commence par nous expliquer ce terme très important. Alors il nous dit, regardez, qui est le Seigneur? Ce Seigneur qu'on invoque. Il dit ce Seigneur, Allah Azza wa Jal, est le Créateur, ça sous-entend, ça implique qu'il est le Créateur, celui qui donne existence à ses créatures, Al-Qa'imu bi-tarbiyatihim wa israhihim. Et c'est lui qui prend en charge israhihim, leur réforme. C'est lui qui prend en charge leur subsistance, leur création, leur réforme. Allah subhanahu wa ta'ala est garant de cela. Al-mutakaffil bi salahihim. Qala, il dit wal-ilahiyya. Après qu'il explique le terme Seigneur, vous avez vu, il fait allusion à la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et souvent, les savants résument la seigneurie d'Allah avec surtout trois particularités très importantes. Puisque il y a des particularités qu'on appelle khasais al-rububiyya, les particularités de la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il résume cela en disant, en évoquant trois termes. Al-Khalq, la création, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le créateur de toutes choses, wal-mulk, والتدبير. والملك est le fait qu'il en est le souverain, le roi absolu de cet univers. والتدبير, le fait que Allah Azza wa Jal est celui qui administre et gère cet univers. Donc croire en la seigneurie d'Allah, pour résumer, croire en la seigneurie d'Allah, le musulman et la musulmane, eux croient que Allah subhanahu wa ta'ala est le seigneur des mondes. On avait cité, on avait expliqué le terme monde, alam, et son pluriel, alami, comme awalim. C'est un pluriel aussi. Awalim est un pluriel de alam, qui est le singulier de alamin. Donc, croire en la seigneurie d'Allah, c'est croire qu'il en est le créateur. Il est le créateur de toutes choses. Que Allah subhanahu wa ta'ala est le souverain, le maître absolu. Et que c'est lui qui gère cet univers. De sorte, certains savants parlent de seigneurie générale et de seigneurie spécifique. Ce qu'on appelle Rububiyatu Amma wa Rububiyatu Khassa. Et vous pouvez la retrouver, cette explication-là et cette subdivision-là de la seigneurie, qu'il y a une seigneurie générale et une seigneurie spécifique, vous pouvez la retrouver dans le commentaire de Cheikh Abdelrazzaq, où il va détailler cela. Et je vous la cite pourquoi ? Parce qu'il y a une très belle faïda dans cela. Et on se rend compte encore, avec cette faïda-là, on va se rendre compte du privilège et du bienfait dans lequel on est. Et de la ni'ma dans laquelle on est. Cheikh dit, il y a le rubbiya qui est amma, qui est général. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala est le maître absolu de l'univers. Croyant, non-croyant, tous les êtres vivants, êtres humains, les animaux. Allah gère tout cet univers. Tout. Il est le seigneur de tout. Il est le roi du jour de la rétribution, Allah subhanahu wa ta'ala. Il est le seigneur de tous les hommes. Il est le maître de la création. Cet univers et son royaume, subhanahu wa ta'ala, d'une manière générale. Wa al-rububiyya al-khassa, maintenant la seigneurie spécifique, c'est qu'Allah, il y a des hommes dont il leur a accordé le succès, il leur a facilité la croyance en sa seigneurie, c'est-à-dire Al-Iman. Il leur a donné Al-Iman. Pourquoi ? Parce que dans la Rubiya Al-Amma, le fait qu'Allah est le maître de l'univers, est-ce que toutes les créatures ont Al-Iman ? La foi. Pourtant, ils sont tous serviteurs d'Allah Azza wa Jalla. Tous les êtres humains sont serviteurs d'Allah Azza wa Jalla, d'une manière générale. Puisqu'il en est le créateur. Les êtres n'existaient pas. Allah leur a donné existence, alors qu'ils n'étaient néants. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, on est le maître. Mais ensuite, il y a, parmi ces créatures, ceux qui croient en lui. Et c'est Allah qui guide vers cela. Cheikh Abdelrazzaq, dans son commentaire, il appelle ça Rububiyya al-Khassa. La Rububiyya, la croyance en la seigneurie d'Allah qui est spécifique. Alors celui qui voit qu'Allah Azza wa Jal lui a facilité la croyance en lui, lui a donné l'iman, la foi, c'est le plus grand trésor dans cette vie ici-bas. C'est le plus grand trésor. On l'a déjà à maintes fois dit dans d'autres assises, que des gens, même s'ils voudraient donner des fortunes pour pouvoir croire, ne serait-ce un instant, ne pourraient, puisque l'iman, ça ne s'achète pas. C'est quelque chose qu'Allah met dans le cœur de la parole. Inna alhamdulillah, nahmaduhu, wa nasta'inuhu, wa nasta'fir, wa na'udhu billahi min shururi anfusina, wa min sayyati a'malina, man yahdihillahu fala, mudillala, wa man yudlil fala, hadiya lah. Celui qu'Allah guide ne pourra l'égarer. Et celui qui a les gardes, il ne pourra le guider. Tout cela, c'est entre les mains d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Regardez l'invocation que multiplie le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Yamu al-Qulub, thabbit qulubana ala dinik, ou qalbi ala dinik. Oh, celui qui détourne les cœurs, affermi mon cœur sur ta religion. Le prophète et répétait cela. Un jour, l'une de ses épouses, si je ne me trompe pas, Umm Salama, interrogea le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que les cœurs peuvent être détournés? Puisqu'elle entendit dire le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, thabbit qalbi ala dinik. Est-ce que les cœurs peuvent être retournés, détournés? Et c'est là que le prophète ensemble dit que les cœurs sont entre les doigts du miséricordieux. Il les détourne comme il le veut. À partir de là, on comprend que la guidée est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que dans un verset, on a dit au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, serre-toi, tu ne guides pas qui tu aimes, mais c'est Allah qui guide qui veut. Allah dit au prophète, innaka la tahdi man ahbabt, walakin Allah yahdi man yasha. Toi, tu ne guides pas qui tu veux. Il dit ça au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'avait pas les cœurs entre les mains. Au contraire, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, revenait vers Allah, azza wa jal, pour l'affermissement de son cœur. Alors si vous voyez que votre cœur est empli de foi, de iman et d'adoration du cœur que va vous arriver, va les citer l'auteur, alors ça fait partie des grands bienfaits dont il faut remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut constamment remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Vous savez, et c'est ça là, le bienfait de la connaissance. Le bienfait de la connaissance, c'est de savoir l'immensité, la valeur incommensurable de ce qu'on a. Ça, c'est immense. De savoir qu'Allah Azza wa Jal nous a guidés. Et que cette guidée, elle a une valeur qui est immense. Et plus on se rend compte de la valeur de cela, plus on demande à Allah Azza wa Jal qu'il nous rajoute et qu'il nous affermisse. Et on a peur de perdre cela. Et donc, il faut constamment invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça fait partie des fruits, justement, de la science du Tawhid. C'est pour cela que, regardez, les savants donc font ce rappel sur Al-Rububiyya. Donc, parmi les particularités de la seigneurie d'Allah, pour croire en l'unicité de la seigneurie, savoir qu'Allah est le créateur, ou Al-Khaliq. Vous pouvez résumer avec ces particularités-là, c'est Khasa Isra, Al-Khalq, ou Al-Mulk, ou Al-Tadbir. Certains savants aussi disent Al-Rasqa. Al-Rasqa, c'est le fait de octroyer, on ne dit pas risque. Risque, c'est le risque en lui-même, c'est la subsistance en elle-même. Mais risque, avec Al-Fatha, c'est le fait d'octroyer la subsistance. Et Allah est celui qui octroie la subsistance de tous les êtres. Et si on a le temps d'y arriver, vous allez voir ce que va dire l'auteur. Une parole immense. Là, il fait allusion donc à la seigneurie d'Allah Azza wa Jalla. Ensuite, regardez, maintenant, il dit, j'avance. Wal-ilahiyya. Maintenant, il fait allusion au domaine de l'adoration, la divinité, qu'Allah est celui qui mérite l'adoration. Pourquoi? Parce que celui qui est le créateur de cet univers est celui qui mérite l'adoration. C'est pour cela que le musulman et la musulmane, notre religion, c'est une religion de monothéisme. On n'adore qu'un seul créateur. C'est ça le but du croyant. C'est de réaliser un monothéisme pur. Regardez cet immense hadith qu'on a cité hier, c'est un immense hadith. Même ça, c'est une bonne nouvelle pour le croyant. C'est une bonne nouvelle pour le croyant. Lorsque le prophète a pris son compagnon lui a dit, connais-tu le droit d'Allah sur ses créatures? Et le droit des créatures sur Allah? Et le compagnon lui a dit, Allah et son messager sont plus savants. Le prophète de dire, en yarbudu, wa la yushriku bi shay'a. Le droit d'Allah, c'est qu'il l'adore sans lui donner d'associé. Quel est le droit de ses serviteurs ensuite sur Allah? Qu'il ne les châtie pas s'ils ne leur ont pas donné d'associé. S'ils ne lui ont pas donné d'associé. Tellement que ce hadith, à cette parole-là, le compagnon l'a compris. Regardez ce qu'il dit au prophète. Il l'a compris du premier coup, ça, ça se comprend à travers ce qu'il va dire. Ya Rasulallah, puis-je informer les autres de cela? Et le prophète a dit là, non, car ils vont se reposer sur cela. Vous avez vu le hadith, comment il est immense. Si on adore notre créateur, le musulman réalise le tawhid, il adore son créateur sans lui donner d'associé, notre droit, c'est de ne pas être châtié. Et Allah dit dans le Coran, « Ma yafalallahu bi'adabikum, in shakartum wa amantum. » Que voulez-vous qu'Allah fasse de votre, traduction littérale de la parole d'Allah, que voulez-vous qu'Allah fasse de votre châtiment si vous l'avez remercié et cru en lui? Pourquoi voulez-vous qu'il vous châtie? Allah dit, si vous l'avez remercié et cru en lui, vous avez reconnu sa seigneurie. Parce que ceux qui le remercient, c'est ceux qui reconnaissent la seigneurie. Donc plus vous reconnaissez la seigneurie d'Allah Azzawajal, les bienfaits d'Allah Azzawajal sur vous, qui vous a créé, qui gère cet univers, alors plus vous allez le remercier sur Panamo ou Atarana. Regardez l'auteur ce qu'il dit. كون العباد يتخذونه سبحانه محبوبا مألوها يفردونه بالخوف أو يفردونه والخوف والرجاء أو يفردونه بالحب والخوف والرجاء والإخبات والتوبة والنظر والطاعة والطلب والتوكل ونحو هذه الأشياء فقال المصنف رحمه الله تعالى فإن التوحيد حقيقة أن ترى الأمور كلها من الله تعالى. Regardez ce que l'auteur va dire. Après avoir fait allusion à la seigneurie d'Allah et nous l'avoir explicité comme on l'a lu précédemment, qu'est-ce qu'il dit? Maintenant, l'auteur parle du domaine de la divinité, de l'adoration. Il dit وَالْإِلَهِيَّ. Le domaine de l'adoration, il dit, c'est le fait que le serviteur يَتَّخِذُونَهُ سُبْحَانَ مَحْبُوبًا مَأْلُوهًا. Ils prennent Allah comme celui qu'ils aiment le plus, مَحْبُوبًا, celui qu'ils aiment et qu'ils adorent. Ils le prennent comme leur adoré. C'est ça, l'unicité de l'adoration. C'est que le serviteur, il adore Allah Azzawajal de manière exclusive. Et il l'aime de manière exclusive. Et il dit, donc, pas si on peut utiliser le terme unifié, il l'unifie, mais on va utiliser un autre terme. Il lui voue un culte dans l'amour, la crainte, l'espérance et d'autres adorations qu'il a citées comme le repentir, le vœu, le fait de s'en remettre à lui, avoir pleine confiance en lui, la demande, l'obéissance, tout cela, il le voit en un subhanahu wa ta'ala seul, et il a cité des exemples d'adoration. Pour terminer, donc regardez l'auteur, d'une manière brève et concise, il a fait allusion à la seigneurie d'Allah, à l'unicité de la seigneurie. Ensuite, il fait allusion maintenant à l'unicité de l'adoration, Tawhid al-Uluhiyya. فَبَدَأَ بِذِكْرِ Tawhid al-Rububiyya ثُمَّ اِنْتَقَلَ إِلَى ذِكْرِ Tawhid al-Uluhiyya. Et lorsqu'il cite Tawhid al-Uluhiyya, il dit c'est quoi? Le domaine de l'adoration et du culte. Il dit « كون العباد يتخذونه سبحانه محبوبا مألوها يفردونه بالحب. » C'est le fait que ses serviteurs le prennent comme l'adoré. C'est leur adoré, leur créateur. Et après avoir su qu'il est le Seigneur, vous avez vu, le fait de se remémorer, de se rappeler la seigneurie d'Allah, ça nous mène vers le culte, vers l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et de là, il dit, ils vont lui vouer un amour, pur et exclusif. El-Khawf, une crainte révérentielle, pure et exclusive, une peur d'adoration. Une espérance qui est d'adoration, pure et exclusive. El-Ikhbat, ou Tawba, ou Al-Nadr. Et là, il cite des exemples d'adoration dont le musulman et la musulmane vont vouer cela à leur adorer Allah de manière pure et exclusive. Et donc, il cite comme adoration l'obéissance, il cite la pleine rémission, at-tawakkul, le fait d'avoir complètement confiance en Allah Azza wa Jal. Et ensuite, il dit, écoutez bien ce qu'il dit, et on voit les fruits de la croyance au tawhid. Une parole immense de ce savant qui est mort mi-9e siècle, au milieu du 9e siècle. Regardez ce qu'il dit. Il dit « Fa'inna al-tawhid haqiqa ». La réalité du monothéisme, c'est quoi? C'est de voir que toutes les choses, kullaha, elles proviennent d'Allah. C'est de voir que tout provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que cela est très important, l'étude de cela. Pourquoi? Comment, par exemple, des croyants qui prient Allah constamment, tous les jours, comment ils peuvent être concentrés en pleine méditation dans la prière, avec un khushua, une concentration immense dans la prière, s'ils ne se rappellent pas la sévérité d'Allah, la grandeur d'Allah, la création d'Allah, le fait qu'il est le créateur de cet univers, qu'il est le maître de l'univers. S'ils ne se rappellent pas, ils n'étudient pas Al-Asma al-Husna, Al-Sifat al-Ula, s'ils n'étudient pas les noms d'Allah et les attributs d'Allah, les noms d'Allah comme Allah al-Samir, Al-Alim, Al-Basir, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Wadud, Al-Rahman, Al-Rahim, Al-Aziz, Al-Qawi, Al-Matin. Si on ne se rappelle pas les noms d'Allah, si on ne se rappelle pas les attributs d'Allah, comment la personne qui ne révise jamais cela, qui ne parle pas de Tawhid al-Rububiyya, ou de Tawhid al-Uluhiyya, ou de l'Asma al-Sifat, comment dans sa prière il peut être concentré, avoir une concentration et avoir une relation, parce que la prière c'est une des adorations, on a une relation avec notre Créateur subhanahu wa ta'ala. C'est ça le but du croyant. C'est lorsqu'il prie, c'est d'avoir une concentration. Al-Khushua. Vous savez, à l'époque, un compagnon, il sortit de chez lui, ensuite il revint. Ensuite, sa femme, son épouse, l'a vu triste. Elle lui dit, qu'est-ce que t'as? Il lui dit, je ne reconnais plus rien de l'époque. C'est un compagnon, c'est-à-dire qu'il parle de l'époque du prophète. Puisque beaucoup de compagnons, ensuite, ont vécu assez longtemps après la mort de notre bien-aimé prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et certains compagnons, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous savez, après un certain temps, certaines prophéties du prophète sallallahu alayhi wa sallam se sont produites. Le prophète, par exemple, avait parlé qu'il y aura l'apparition de troubles, de difficultés, de malheurs. Le prophète avait fait des prophéties qui se sont produites. Et certaines prophéties se sont produites à l'époque des compagnons déjà. À l'époque des compagnons. Et donc certains compagnons, je ne vais pas dire le terme nostalgie, mais ils pensaient à l'époque, imaginez-vous. Imaginez-vous, certains d'entre vous, par exemple, qui ont eu quelques instants de leur vie, ils ont rencontré des grands ulama, des grands savants. C'était pas rien. Aujourd'hui, à notre époque, les héritiers des prophètes, ce sont les ulama. Ce sont les grands savants. Donc imaginez-vous quelqu'un qui a eu des instants avec un grand savant, après la mort de son savant, il se rappelle. Parfois, il se remémore. Je me rappelle ceux qui ont vécu à l'époque de l'Albani, qui ont rencontré par exemple l'Albani, Mohaddith al-Asr. Ils doivent se rappeler des moments, des assises qu'ils ont eues avec ces grands savants. Cheikh Ben Baz, des grands savants, ceux qui ont fait le pèlerinage pour rencontrer des grands ulama. Imaginez-vous les compagnons qui ont vécu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils devaient se remémorer les instants avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il est dit que ce compagnon-là, longtemps après, est sorti pour une prière, il revint chez lui triste. C'est l'époque. Son épouse a vu la tristesse du compagnon. Elle dit, qu'est-ce que t'as? Il dit, je ne reconnais plus rien de l'époque. C'est-à-dire l'époque avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si ce n'est leur prière en commun. Si ce n'est la prière en commun. Il pratiquait la prière en commun comme il la pratiquait à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais il arrivera un temps où les gens vont perdre le khushua. C'est dit dans un récit. Il arrivera un temps où les gens vont perdre le khushua. Ils font la prière pour faire la prière. Mais lui, toute sa prière, il pense à ce qu'il doit faire juste après. Lui, son but, c'est de vaquer à ses occupations. Et donc, même 5-10 minutes de prière, souvent, le corps est là, mais le cœur n'est pas là. Pourquoi? Parce qu'on se remémore pas assez les noms d'Allah, les attributs d'Allah, la seigneurie d'Allah, c'est fait pour ça. se rendre compte pourquoi dans la prière, il y a des prières à voix haute, où l'imam récite. Pourquoi toutes les prières, Allah, c'est Allah qui a légiféré. On récite sur un peu le Fatiha. Et on récite constamment Alhamdulillah Rabbil Alameen. Ar-Rahman Ar-Rahim. On se rappelle qu'il est le miséricordieux, le tout miséricordieux. Il faut se rappeler de cela. Ça sous-entend l'attribut de la miséricorde. Allah vous fait miséricorde. Allah est le grand pardonneur. Vous savez, il y a un récit, dans un hadith, le prophète dit qu'un jour, Shaitan s'est adressé à Allah. Il lui a dit, par ta puissance et ta gloire, par ta grandeur et ta puissance, je vais causer la perte de tous tes serviteurs. Et Allah lui a répondu, par ma gloire et ma puissance, je ne cesserai de leur pardonner tant qu'ils me demandent le pardon. Alors que Shaitan, lui, veut causer la perte de tous les serviteurs, Allah dit, tant qu'ils me demandent le pardon, je ne cesserai de leur pardonner. Allah est le tout miséricordieux. Et ensuite, Allah dit, Maliki Yawmiddin, le souverain du jour de la rétribution, du jour dernier. Alors là, lorsqu'on est là, concentré, on comprend l'essence, on se rend compte de la grandeur d'Allah, il est le souverain absolu du jour de la rétribution. C'est lui le maître absolu. C'est toi dont nous adorons et c'est toi dont nous implorons l'assistance et l'aide. Ça, il faut méditer. Il faut se rappeler. Plus on médite cela, plus on comprend l'essence du Coran, plus dans notre prière, on est en concentration. Et lorsqu'on a accompli notre prière, on sort de la mosquée, cette prière, elle est élevée. On a toute la récompense de la prière. وَهَذَا بِدِرَاسَةِ التوحيد الربوبية والتوحيد الألوهية والتوحيد الأسماء والصفات. نسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد وأن يثبتنا بالقول ثابت في الحياة الدنيا والآخرة وأن نواصل الكلام في يوم غد إن شاء الله والله أعلم.